L'actualité à Nancy et ailleurs. Céline Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste plasticienne céramiste et vous avez créé il y a maintenant 25 ans le SPIFAC, un centre de formation implanté dans le parc de loisirs de la forêt de Haye à Velay-Nord-Haye. Et vous organisez les 1er, 2 et 3 avril des portes ouvertes à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Avant de parler de ce que l'on va pouvoir vivre lors de ces journées, parlez-nous un peu de votre art. Comment vous le décriveriez et qu'est-ce qui vous y a amené ? Mon art, c'est l'art plasticien céramiste, principalement la poterie, la sculpture et l'art de la porcelaine. J'en fais depuis maintenant presque 30 ans, 25 ans, le centre de formation qui a été créé. Et donc, c'est multi-matière, polyvalent, dans tous les métiers d'art en général. Pas que la céramique. Pas que la céramique. Qu'est-ce qui vous a amené à bien vous intéresser à cette forme d'art ? Une découverte d'un potier, du tour à pied, et puis vraiment un coup de cœur pour cette magie de la transformation de la matière. La terre qu'on recueille, qu'on ramasse, qu'on récolte, et puis elle se transforme en une pièce utile, utilitaire, un bol tout simplement. Donc ça, c'est la magie de la vie. Et vous avez créé, il y a 25 ans, le centre de formation, justement pour transmettre ce qui vous a tellement fait aimer cette pratique. Qui m'a fait vibrer, oui, c'est ça. Donc une transmission aussi donc des arts, de la passion, de la ressource de notre terre, en fait. Hein. C'est important de revenir aussi à l'essentiel. Donc c'était un peu cette envie-là de partager. Avec un public adulte, avec des enfants, n'importe qui ? Tout public. Enfin, après, la formation professionnelle, c'est pour des adultes en reconversion, principalement. Mmh. Oui. Et puis, oui, on accueille aussi tout public, les enfants, les adolescents, pour des cours... Donc plus des loisirs ou des stages. Et bien ces portes ouvertes vont permettre de faire découvrir encore plus ce que vous faites. Donc c'est les 1er, 2 et 3 avril. Nos mains à l'unisson, c'est le thème retenu cette année, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors nos mains à l'unisson aussi pour représenter justement toute cette polyvalence, tous ensemble en collectif, puisqu'on travaille pour faire de la céramique également. On va travailler le bois, on va travailler la soudure, on va travailler le verre. Et on va ensemble créer des œuvres par rapport à des besoins ou des objectifs spécifiques artistiques. Donc ça se passe au parc de loisirs de la forêt de Haye. C'est où plus particulièrement ? Parce que c'est assez vaste, ça se trouve facilement ? Oui, ça se trouve facilement. C'est vrai que c'est un labyrinthe, cette forêt. On est tout près du... Alors, je ne sais pas, certains vont connaître le Goupil Mini-Golf, le parcours de santé de la forêt de Haye dans le parc de loisirs. Et c'est un bâtiment vraiment dans l'entrée, c'est tout droit dans le parc, donc on nous trouve facilement, c'est bien indiqué. Et on a trois bâtiments assez importants où on propose donc différents métiers d'art. Donc je vous disais le bronze, la forge, le verre soufflé, la sérigraphie, du yoga, de la danse. On fait beaucoup de sortes d'arts qui s'allient entre eux pour encore mieux présenter une œuvre au public. Donc avec des visites gratuites, des ateliers, est-ce que, bien en tant que visiteur, on va pouvoir manipuler en venant ? Tout à fait, on fait des démonstrations, mais on propose aussi la manipulation de la poterie et surtout l'initiation au tournage. D'accord, donc on va pouvoir presque repartir avec quelque chose qu'on aura créé sur place ces jours-là ? C'est ça, alors on propose du raku, les gens peuvent repartir avec un bol émaillé. Il y en a qui vont pouvoir faire de la sérigraphie, d'autres vont pouvoir faire du tournage et tourner une pièce et pourront voilà, s'initier et en plus repartir avec un souvenir. Ça c'est bien. Donc ça sera à partir de 11h et jusqu'à 18h. Ce n'est pas la première fois que vous organisez des visites, j'imagine. Quelles sont les réactions des visiteurs qui peuvent être parfois un peu éloignés de ces pratiques ? Est-ce qu'ils vous surprennent par leurs questions, leurs remarques ? Ils me surprennent toujours, oui. De toute façon, c'est toujours un échange riche. Parce que y a des surprises, surtout beaucoup d'émotions, de découvertes, de se dire que là, c'est possible de faire quelque chose et de pouvoir créer alors qu'on s'en croit pas capable. Donc c'est toujours une grande surprise et tellement riche de découvertes sur soi. Ça c'est vraiment intéressant. Et pour peut-être aussi créer des vocations chez vos visiteurs, certains peuvent revenir après et s'inscrire parfois à des formations, oui. Oui, c'est souvent le cas. Alors ça prend un an ou deux après pour une vraie décision, parce que c'est un vrai investissement, un engagement toute une vie. Donc ça se réfléchit mûrement. Mais en tous les cas, c'est souvent une découverte aussi d'un lieu, d'une générosité, d'échange. Et du coup, ça fait même bien mûrir un projet de vie. Les portes ouvertes donc alternatives, hein, le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril à partir de 11h. C'est à l'occasion des 19e Journées européennes des métiers d'art. Céline Laurent, vous avez d'autres projets pour les semaines, les mois à venir? J'ai vu que vous étiez invité à un salon de peinture et de sculpture à Fléville prochainement. Oui, à Fléville en tant qu'invité d'honneur pour une grande exposition de sculpture dans un grand lieu, donc ça, avec une artiste peintre également. Et puis on prépare un grand événement à Autreville, un événement sur la terre et le feu avec des spectacles de feu. Donc je vous invite à venir aussi début juillet sur le site d'Autreville. Donc, et pour suivre votre actualité, vous avez un site internet, alternative.net. Alternative.net et spifac.com. Merci beaucoup, Céline Laurent. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.